Et commissariat de Lille est sur le site internet du ministère de l'Intérieur www.lapolicenationalerecrute.fr, rubrique métiers et concours de la police nationale. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le numéro vert 0800 22 0800 0800 22 0800. C'est gratuit depuis un poste fixe ou bien le secrétariat général de l'administration de la police à La Réunion au 02 62 92 99 76 ou alors le 99 77 ou le 99 78. Ainsi que la délégation au recrutement et à la formation de la police nationale au 02 62 90 26 46. Sachez que les inscriptions peuvent se faire soit en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur, soit sur dossier papier à télécharger sur ce même site ou à retirer au secrétariat général de l'administration de la police située au 133 rue Jean Châtel à Saint-Denis. Attention, il est important de ne pas cumuler aussi bien les inscriptions papier et en ligne. La date limite des inscriptions en ligne est fixée au 10 juin 2016 à 18h heure de Paris et la date limite de dépôt des dossiers papier est fixée au 17 juin 2016. Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 8 septembre prochain. Vous avez rendez-vous aujourd'hui, lundi 6 juin, pour le don du sang avec l'EFS. C'est jusqu'à midi et demi à la mairie annexe de Saint-Gilles-Léo, mais aussi à Monsieur Bricolage de Saint-Pierre, de 13h à 17h. Demain, mardi 7 juin, à l'ASPTT du Chaudron à Sainte-Clotilde de 8h à 13h, au parc du 20 décembre de Saint-Leu de 9h à 13h. Mercredi, au conseil départemental à Plateau-Caillou de 8h30 à midi et demi, mais aussi au parc du 20 décembre de Saint-Leu de 9h à 13h. Jeudi, à la clinique de Sainte-Clotilde, à Sainte-Clotilde donc, de 10h à 15h et à Auchan-Saint-Pierre de 13h à 17h. Vendredi, à l'école élémentaire Henri Morange à Saint-André de 8h à midi. Et samedi, hôtel La Villa de Lille de Saint-Pierre de 10h à 17h. Collecte en partenariat avec l'hôtel Villa de Lille, le Lions Club et le Rotary Club. Réunion première. Cet espace est le vôtre. Vos communiqués, vos messages par fax au 02 62 40 68 33 ou par mail à avis@francetv.fr. I cut my teeth on wedding rings in the movie. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. It's the one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. It's the one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Queen. Oh. crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. C'est dans l'actu, c'est à retrouver dans 15 minutes. La situation à Mayotte, la tension peut-elle retomber? On en parle après le journal de la rédaction. Bon appétit, il est midi, La Réunion. Le journal, Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Le site de Ravine Blanche à Saint-Pierre porte encore les traces du festival Ça qu'il faut, mais plus pour longtemps. L'heure est au démontage des scènes, des stands. Tout doit disparaître pour rendre au site son aspect d'origine. Reportage dans ce journal. Nous reviendrons aussi sur les concerts d'hier avec le flamboyant Emir Kusturica. En France, le ramadan a commencé ce matin, mais à La Réunion, les musulmans attendent d'apercevoir la lune avant de commencer le jeûne. Un mois à part dans la vie des croyants, nous l'entendrons. À Mayotte, des prières pour appeler au calme, initiative lancée par les femmes leaders. L'initiative a séduit, mais les violences n'ont pas cessé pour autant. On en parle dans ce journal et juste après avec Philippe Dornier et ses invités. C'est dans l'actus midi consacré à la situation à Mayotte. Et puis en sport, nous entendrons le nouveau champion de la Réunion de VTT descente, Romain Payet. Rendez-vous à la fin de ce journal. Réunion première, Cécile Thomas. Au lendemain de la fête, il faut tout démonter. Encore du pain sur la planche pour les équipes techniques du Ça qu'il faut. Une centaine de personnes restent sur le pont à Saint-Pierre. On s'active donc encore depuis ce matin sur le site de Ravine Blanche et le bord de mer qui ont vu passer plusieurs dizaines de milliers de festivaliers en trois jours. Pierre Comorassami. Entre les camions, les fourgons et les engins élévateurs, le site grouille de monde. Pas moins d'une centaine de personnes s'activent. Ici, des prestataires techniques et scéniques qui rassemblent et chargent leur matériel. Gianni, le gérant de la société, met la main à la pâte. Là, maintenant, on commence à tout démonter. C'est-à-dire que cette nuit, les gars, ils ont enlevé toute la lumière, tout le son. Et là, on vient avec les camions, on rapatrie tout vers le dépôt. Et après, il y a tous les gars qui vont venir faire la ferraille et qui vont casser la ferraille, donc les podiums, la centrade. Dès que les premiers concerts ont fini, les gars ont commencé à démonter leur première scène, donc ça devait être vers minuit. Quelques pas plus loin, c'est l'équipe de la régie générale qui est à l'œuvre, à l'image de Tristan. Dès hier soir, la fin des concerts... On a progressé par ici pour démonter certaines installations électriques, certaines installations de secours. Petit à petit, on a fini au milieu de la nuit et puis on a rattaqué ce matin de bonne heure. Et puis, aux côtés de ces prestataires et des nombreux bénévoles, il y a la contribution des agents communaux qui, eux aussi, font un gros boulot pour remettre le site en l'état. Pierre Comorassami, retour sur cette dernière soirée de festival avec sur la scène de la Poudrière Emir Kusturica et The No Smoking Orchestra, une ambiance de feu qui a emballé les spectateurs. Il faut danser, on est venu pour danser en fait. Ouais. C'est la joie de vivre personnifiée. Trop bien. La folie pure. Là, on va s'éclater. Si vous faites en plus tomber les verres de bière. Qui s'éclate déjà. Voilà, il nous a éclaté. Que du bonheur, donc bah, vous attendez, on va partager. Hein. Vous êtes venu que pour lui? Ah non. Mais non, Ça qu'il faut depuis que ça existe, on y va pour tout découvrir. Je l'aime. Super. Oui, j'aime bien. C'est la première fois que je vois, mais vraiment, c'est numéro un. Génial. C'est complètement contemporain, complètement dingue, plein de liberté. Vous l'avez entendu, le charme d'Emir Kusturica, le chanteur-réalisateur a opéré un reportage de Daniel Dambreville. Ils vont jeûner durant la journée et s'alimenter une fois la nuit tombée. Les musulmans du monde entier entament le ramadan. Il a commencé ce matin pour les musulmans de France. Annonce faite hier par le Conseil français du culte musulman. Mais à La Réunion, les autorités religieuses guetteront ce soir l'apparition de la lune. C'est elle qui déterminera le départ de ce mois de jeûne. Cette fois, le ramadan tombe en hiver. Les jours seront donc plus courts qu'en plein été austral. Pour ceux qui travaillent, comme chaque fois, il faudra s'adapter à ce rythme exigeant, Bruce Régent. Pendant le mois qui vient, Nour sera fidèle au poste. Juste devant la mosquée de Saint-Denis, il continuera de vendre sa moussa et petite douceur. Les gens, pour l'iftar, ils viennent prendre des gâteaux, après ils emmènent à la mosquée pour rompre le jeûne. Pas question pour Nour de réduire sa plage horaire. La journée, il y a quand même du monde, mais le soir, c'est une clientèle en plus. Sur l'ensemble, c'est positif. Dans le magasin voisin, en revanche, fermeture anticipée. Les passants ne sont plus des chalands, ils sont pressés d'aller à la mosquée. Au lieu de 18 ans, on ferme à 17h30. Et ça arrange bien à TK. Pour préparer pour la famille, le repas et tout. Et puis c'est l'heure propice pour faire des demandes à Dieu avant de rompre le jeûne. Cyril Abdullah, lui, voit venir quelques journées éprouvantes derrière ces fourneaux de restaurants de spécialités indiennes. C'est pas pareil comme les gens travaillent dans un magasin, il y a la clim, c'est pas pareil, c'est différent. Nous, on travaille, mais il y a beaucoup de chaleur, on n'a pas le droit d'avaler la salive, tout ça. Donc c'est plus dur et ça fatigue plus vite, en fait. Et en plus, il y a plus de choses à préparer. Voilà, il y a les gâteaux, plus le repas en cuisine pour la salle, tout ça. Mais cette année, je pense que ça va bien se passer. On va casser le ramadan, on va casser très tôt, vers 17h45. D'habitude, on casse 18h, 18h05. Avantage de l'hiver austral. Mais alors, quand il faut assaisonner? Non, on peut goûter. Vous avez droit à une exception. Voilà, mais on n'avale pas. Après, on rince la bouche. Cuisinier, on peut goûter, parce que c'est notre métier, en fait. Un reportage de Bruce Régent, cette période de jeûne, quatrième pilier de l'islam, intervient cette année durant les épreuves du baccalauréat qui débute le 15 juin. Ce ramadan qui débute permettra peut-être d'amorcer un retour au calme à Mayotte. La religion s'est invitée dans la crise ce week-end. Les femmes leaders ont organisé des prières pour la paix, un rassemblement pour tenter d'apaiser le climat très tendu dans l'île. Depuis plusieurs semaines, des chasses aux clandestins sont organisées dans les communes, des actions violentes que les autorités ont du mal à enrayer. Pour les prières, des centaines de personnes se sont rassemblées. Elles ont assisté à ce Maulida Changé, le reportage de Zouria Hamza. Le retour au calme et la sérénité à Mayotte, l'objectif de ce moment de prière en commun qui d'abord a débuté à l'hémicycle Bamana par des centaines de religieux, des imams, des fundis d'écoles coraniques ou encore des cadis. Différentes prières seront récitées pour la protection de tous les Mahorais. Chaibia vient de Bueni et est convaincue des bienfaits de ces prières. On est là pour prier à Dieu, pour nous aider tout ce qui nous arrive là, que ça se passe très bien. Les représentants des associations qui militent pour la paix étaient également présents. El Hadj Chakrina du conseil de quartier pour la sécurité de Mayotte. La population mahoraise a pris conscience du danger dans lequel nous sommes et donc il y a un message d'unité puisque vous voyez ici qu'il y a des femmes, des hommes, des personnes de toute génération. Ils étaient plusieurs centaines venus des quatre coins de l'île pour ce moment de spiritualité commune et de partage orchestré par les femmes leaders. Sandati Abdou, présidente des femmes leaders. Mayotte a été conçue comme ça dès le début de l'histoire du combat de Mayotte française. C'était les doigts en premier. Maintenant on a délaissé nos milas, nos cultures. Il est nécessaire et urgent qu'on reviennent à la base. Et comme le veut la coutume à Mayotte, le retour de la paix ne se fait sans un Maulida Changé sur la place de la République. Prières et chants ont continué l'invocation des ancêtres pour que l'île retrouve sa sérénité d'antan. Zouria Hamza de Mayotte première dans 6 communes. Les habitants ont organisé des chasses aux clandestins hier. La situation à Mayotte, on y revient juste après ce journal. C'est dans l'actu. Philippe Dornier et ses invités dès midi 15. Vos questions, vos réactions au 0262 99 2000. Politique à La Réunion, Michel Vergos fait toujours partie du progrès. Il l'a dit ce matin sur Réunion Première. Le sénateur maire de Sainte-Rose était l'invité de la matinale. Michel Vergos n'a pas suivi le mouvement de Jean-Jacques Vlodi ou de Jean-Claude Fruteau qui tourne le dos au progrès. Le sénateur maire de Sainte-Rose y voit des aigreurs, des postures. Il affirme être concentré tout entier à la mobilisation autour d'une politique de soutien au président de la République et au chef du gouvernement. Et ça passe par la loi travail essentielle aux yeux de Michel Vergos. Bien sûr qu'elle est essentielle. C'est la continuité du réformisme de gauche à propos de l'évolution dans le travail. C'est 1936, les délégués personnels. Patrick Le Breton, justement, c'est il dit tout le contraire. Pardonnez-moi, c'est 1945, les comités d'entreprise. C'est 1968, l'obligation de l'action syndicale dans l'entreprise. C'est 1982, les lois Auroux avec l'obligation de la négociation dans l'entreprise. Il dit tout le contraire, Patrick Le Breton. Non, il dit écoutez, c'est une attaque écoutez, contre 36. Écoutez, s'il vous plaît, nous sommes dans cette loi du travail, sur une démarche fondamentale vers une social-démocratie. Ce dialogue social dans l'entreprise, au plus près des salariés, nous aurons considérablement avancé. Au mépris des branches, parfois mais bien sûr, j'allais dire, c'est pas une boutade, les vieilles branches. Et sur les 700 branches qui existent, Michel Vergos dit que 500 doivent être élaguée. Il répondait à Philippe Dornier concernant l'affaire du foyer de Terre Rouge pour le sénateur maire de Sainte-Rose. La condamnation à l'inéligibilité ne constitue pas un coup d'arrêt contre le clientélisme. Il faudra plus que ça, dit-il, sans davantage de précision. Notez que Gilbert Annette, le maire de Saint-Denis, sera l'invité de Devant la Réunion aujourd'hui. Il répondra aux questions de Gaël Le Dantec dès 18h15 sur Réunion Première Radio. Nous sommes accros aux textos, c'est l'une des informations qui ressort des chiffres compilés par l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle vient de publier les chiffres du marché des communications électroniques dans les départements et collectivités d'outre-mer en 2015. Le revenu réalisé par les opérateurs atteint 1,2 milliard d'euros, dont 711 millions pour les services mobiles et 480 millions pour les services de téléphonie et d'accès à Internet fixe. Alors comment évolue ce marché à Mayotte et à La Réunion? Les détails avec Julie Straboni. L'Internet en bas débit perd de la vitesse au profit du haut débit et principalement à Mayotte, avec une augmentation des abonnements de 11,7% en 2015 contre 6% à La Réunion. Les Réunionnais, qui sont les ultramarins les plus nombreux à souscrire également une offre couplée de télévision, 1 sur 2 l'a choisi. La téléphonie fixe repart à la hausse avec une croissance plus marquée dans l'océan Indien de 21% à Mayotte, 14% à La Réunion, avec des temps d'appel limités respectivement 2h et 3h47 par mois, preuve que l'on préfère le mobile pour ces conversations. C'est là que le paysage se contraste. Mayotte compte une nette majorité de cartes prépayées, 75%, quand La Réunion présente une forte proportion de forfaits. Les Mahorais et Réunionnais ont plus utilisé leur portable en 2015, avec 20 et 15% de minutes consommées en plus. Ils restent les plus fidèles au SMS, La Réunion concentrant même 60% des textos envoyés au départ des départements d'outre-mer. Enfin, la consommation de données depuis les réseaux mobiles continue de progresser avec une moyenne de 250 mégaoctets par mois, 332 à La Réunion. Julie Straboni, une marche contre les maladies rares. Elle était organisée hier à l'étang Saint-Paul. Près de 600 personnes ont répondu à l'invitation de l'association Arnemuse au programme. Une balade de près de 5 km. Il s'agissait de sensibiliser le plus grand nombre à ces maladies méconnues et bien sûr récolter des fonds pour aider les malades et leurs familles. Une action menée en partenariat avec le Centre de référence des maladies neuromusculaires et neurologiques rares à La Réunion. La structure possède une équipe pluridisciplinaire de professionnel qui prend en charge et accompagne les malades. Le docteur Ariane Schumer est neurologue et responsable du centre de référence. Nous, on s'occupe vraiment des maladies neurologiques rares. Après, c'est vrai que la plupart sont à 80% d'origine génétique. Donc, c'est des maladies où souvent, c'est des maladies familiales. Ce sont souvent des familles entières qui sont autour d'une maladie, par exemple. Et dans les maladies rares, on considère moins d'une personne sur 2000. Des maladies rares, il y en a des milliers. Nous, on en suit au moins une centaine, voire 200. La plupart du temps, chez 50% des personnes, ça débute dans l'enfance. Il y a des maladies qui sont très graves, très sévères, avec un handicap qui peut être très important, et d'autres qui sont un peu moins graves, un peu moins sévères. C'est très, très variable. Le docteur Ariane Schumer, neurologue, est responsable du centre de référence. On passe au sport avec les basketteuses du Tampon qui n'ont pas réussi la passe de 2 en championnat de France de National 3. Elles ont perdu en demi-finale. Elles se contentent du titre de championne des Outre-mer cette année. En VTT descente, La Réunion a un nouveau champion. Romain Payette a été sacré hier sur la nouvelle piste de la Ravine des Sables à Saint-Leu. Le Tamponnais a dévalé les 3 km de pente en 2 minutes 45 secondes. Il devance de 3 secondes Alexandre Sicard qui avait terminé deuxième de l'étape réunionnaise de la Mégavalanche l'an dernier, derrière Rémi Absalon. Romain Payette qui signe un bon retour après sa blessure de début de saison. Ça fait 2 semaines que j'ai repris le vélo, de bonnes sensations dès les premiers tours de roue, ça s'est super bien passé. Et avec le beau, j'étais venu aider aussi à chaper la piste, un grand bravo à lui hein, parce qu'il a fait du beau boulot. On a réussi à faire quand même une belle piste, même que si le site, quand tu le regardes comme ça, il ne permet pas non plus de faire une Coupe du Monde vu qu'il n'y a pas énormément de pente. Donc on a réussi à faire un truc bien qui plaît à tout le monde et qui est accessible à tous les niveaux. Du coup c'est super, moi je suis content, tous les pilotes sont contents. Moi j'ai bien roulé, j'ai fait 2 bonnes manches, je pars en métropole dans une semaine. Je vais faire 3 mois là-bas, je vais faire les Coupes du Monde, les Coupes d'Europe, Coupes de France. J'ai un nouveau vélo, je suis en confiance, je pense que ça va bien se passer aussi et que je vais essayer de représenter La Réunion au mieux là-bas. Romain Payet, le nouveau champion de VTT descente qui répondait à Olivier de la Richaudie. Le podium de son championnat est complété par Jordan Payet, troisième chez les féminines. Le titre revient à Adeline Fontaine, la jeune Saint-Louisienne et leader provisoire de la Coupe VTT Cross Country. L'info revient à 13h. Place à l'actu nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Manuel Valls annonce la création d'un fonds d'extrême urgence pour venir en aide à ceux qui ont souffert des inondations, aux personnes sans ressources qui ont tout perdu. Le Premier ministre vient de quitter Paris pour prendre la route du Loiret avec 5 ministres. L'arrêté de catastrophe naturelle sera pris dans 2 jours en Conseil des ministres. Confirmation donc ce matin du chef du gouvernement à l'issue d'une réunion consacrée aux inondations. L'autre réunion du jour, c'est celle qui pourrait mettre un terme à la grève des cheminots, 6e jour de grève d'affilée à la SNCF. La direction et les syndicats se retrouvent ce matin pour une séance de négociation sur l'organisation du temps de travail. Les jardins d'Éole évacués ce matin, c'est au nord de Paris. C'est là que 2000 migrants avaient trouvé refuge depuis plusieurs semaines. Les forces de l'ordre sont en train de vider ce campement de fortune. Des bus emmènent les réfugiés vers des centres d'accueil. Et puis la mort de 3 personnes hier soir dans un accident de train en Belgique, dans l'est du pays. Un train de voyageurs et un autre de marchandises se sont rentrés dedans sur la ligne entre Namur et Liège. Il y a 10 de blessés. France Info. Bonne journée à tous, Chloé et Philippe Dornier pour la suite, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour à tous. La chasse aux étrangers se poursuit à Mayotte, clandestin ou pas. Ils sont délogés par des habitants en colère. Depuis plusieurs semaines, le climat est tendu. Un nouveau préfet a pris ses fonctions. L'État est censé reprendre la main pour stopper les violences. On fait le point aujourd'hui. C'est dans l'actu ce midi, Philippe. Oui, avec 3 invités, Cécile. L'avocat franco-comorien Saïd Larifou, le secrétaire départemental Les Républicains à Mayotte, Amdil Waïdou Soumaïla, et puis la déléguée départementale du Secours catholique à La Réunion, Germaine Bourdet. Posez-leur toutes vos questions sur la situation à Mayotte au 02 62 99 2000. Réunion première. Philippe Dornier. Dominique de la direction régionale des routes est avec nous sur Réunion première pour un point circulation. Dominique, bonjour. Bonjour Chloé et bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous avez ce midi un trafic bien dégagé sur le réseau routier de Lille, une circulation qui se fait donc de manière très fluide sur les grands axes. Notez sur la RN2 à Brapanon, ces travaux d'entretien des chambres télécom du réseau NTIC jusqu'à 15h. La voie de gauche sera neutralisée dans le sens est-nord. Et sur la RN3, la plaine des Palmistes au niveau du premier village dans le secteur de la Pyramide. Des travaux d'enfouissement de câbles EDF se feront jusqu'à vendredi. La circulation sera alternée de 8h30 à 15h30, vitesse limitée à 50 km/h dans ce secteur. Bon début d'après-midi et bonne route à tous. Merci. Les inforoutes, c'est sur Réunion Première. Un point sur la météo pour cet après-midi de lundi 6 juin. La matinée a été agréable, bien ensoleillée sur l'ensemble de l'île. Mais les pentes et les hauteurs de l'île vont à présent s'ennuager. La couverture nuageuse se fera plus compacte sur les hauteurs du nord et des petites averses sont attendues sur l'intérieur de la Réunion. Les hauts sommets connaîtront un air plus sec et un assez bon ensoleillement encore. Sur le littoral, le ciel sera plus variable, mais de belles éclaircies n'auront pas de mal à s'imposer cet après-midi. Le vent reste faible et l'absence de flux favorise le déclenchement des brises de mer. La mer reste peu agitée, voire localement agitée dans l'est avec une petite houle d'alizée. Première. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous, 5h45, 6h20, 9h55, 10h28. C'est la fraîcheur. Faites le plein de saveurs, en direct du marché, avec Espace Fraîcheur. Quand on arrête de fumer, certaines habitudes sont souvent difficiles à perdre. Comme la première cigarette du matin avant de commencer la journée. Et dans ces moments-là, on a parfois besoin d'un coach. À tout moment, votre application Tabac Info Service est là pour vous accompagner. En cas de coup dur, vous profitez d'astuces pour surmonter vos envies. Et pour entretenir votre motivation, vous recevez régulièrement des conseils personnalisés de tabacologues. Pour arrêter de fumer, téléchargez gratuitement l'application Tabac Info Service sur l'App Store et Google Play. Un service du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Le nouveau musée Stella Matutina fête ses 1 an le 12 juin de 9h30 à 17h30. Au programme, visite du musée, dégustation de jus de canne et de produits locaux, balade en charrette bœuf, atelier ludique et pédagogique, visite commentée du jardin et photos souvenirs. Venez nombreux découvrir ou redécouvrir le nouveau musée Stella Matutina à l'occasion de son premier anniversaire le 12 juin. Pour cette occasion exceptionnelle, l'entrée sera gratuite. Retrouvez le programme complet sur www.muséeréunion.re. Réunion des musées régionaux. Nos musées méritent qu'on s'y attache. Allô chérie, j'ai essayé de te joindre, c'était occupé. J'étais en ligne avec Sophia. Avec Sophia ? Et c'est qui celle-là ? C'est un service gratuit de l'assurance maladie qui m'aide à mieux vivre avec mon diabète. Un infirmier me conseille sur mon activité physique, mon alimentation et les examens de suivi. En discutant avec lui, j'ai décidé de reprendre le vélo. Merci Sophia. Ôté, allons bouger ensemble. Pour en savoir plus et savoir si vous pouvez bénéficier de l'accompagnement gratuit Sophia, appelez le 0809 109 974. L'assurance maladie. Service gratuit plus prix appel, destiné aux diabétiques du régime général de l'assurance maladie, sous certaines conditions. Ce dimanche 12 juin, la ville de Saint-Leu organise un référendum local. Vous devrez répondre oui ou non à la question « Voulez-vous que la commune de Saint-Leu révise son document de planification pour permettre la carrière de bois blanc ?» Rendez-vous dans votre bureau de vote habituel de 8h à 18h. Le 12 juin, votons. Première. 12h20 sur Réunion Première, c'est dans l'actu avec Philippe Dornier et ses invités. Mayotte, la tension peut-elle retomber ? Un nouveau préfet, Frédéric Vaux, des renforts pour les forces de l'ordre et puis une intensification des reconduites à la frontière. Ce sont les réponses apportées aux vives tensions qui secouent Mayotte depuis le début de l'année. Certains parlent d'une guerre civile qu'on frôlerait. Exaspérés par la présence de clandestins sur leurs propriétés, des villageois en tout cas les expulsent eux-mêmes de leurs habitations. Des bangas, ces cases très modestes qui sont parfois incendiées. Les décasés, comme on les appelle, s'entassent place de la République au cœur de Mamoudzou. Certains sont en situation régulière. Quelle solution de relogement pour ces personnes ? La sécurité des Mahorais est-elle assurée ? Une vraie coopération entre les Comores et l'île aux parfums est-elle possible ? C'est dans l'actu sur Réunion Première. Midi 13h, c'est dans l'actu. Philippe Dornier. Et vous pouvez évidemment participer à l'émission en nous envoyant vos textos au 06 92 608 335, en nous posant vos questions au 02 62 99 2000. Et puis il y a les réseaux sociaux, la page Facebook, c'est dans l'actu, et le hashtag CDLA première pour Twitter. Trois invités avec nous ce midi, dont deux en duplex, Amdil Waidou Soumaïla depuis Mayotte. Bonjour. Bonjour monsieur, permettez-moi tout d'abord de saluer l'ensemble des Réunionnais qui nous écoutent et l'ensemble de nos compatriotes maoris qui sont chez vous. Et secrétaire départemental du parti Les Républicains à Mayotte, vous êtes aussi conseiller municipal d'opposition à Mamoudzou, une ville qui concentre une partie des problèmes, on le verra, vous nous expliquerez comment ça se passe chez vous. Depuis nos studios de Malakoff en région parisienne, maître Saïd Larifou, bonjour. Oui, bonjour. Avocat franco-comorien, vous êtes le président du parti Ridja, également aux Comores. Rassemblement pour une initiative de développement pour une jeunesse avertie. Et donc, vous êtes un des anciens candidats à la dernière présidentielle aux Comores. Et puis en studio avec moi, ici à Saint-Denis, à La Réunion, Germaine Bourdet, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué départemental du Secours catholique, le Secours catholique qui, avec d'autres associations, a réussi à faire interdire certaines expulsions qui étaient prévues ce week-end. Vous l'avez réussi à travers une démarche judiciaire. Malgré tout, ce week-end, Amdil Waidou Soumaïla, il y a eu des tentatives d'expulsion, mais avec cette fois l'intervention des forces de l'ordre. Comment se sont passées ces dernières opérations, précisément ? Tout d'abord, avant de répondre à votre question... Précisément. Tout d'abord, avant de répondre à votre question prochaine, parce que sinon, après nous, voulons récupérer nos terres. Deuxième chose... Les autorités, notamment les gendarmeries, là où d'ailleurs ça se passe, sont également mises au courant de ces initiatives. Donc je voulais juste recadrer les choses. Est-ce que c'est à la population de faire cette démarche, d'aller vers les gens, de leur dire de partir de chez eux, ou est-ce que c'est à la force publique ? Vous avez raison de poser cette question-là, et c'est ce que les Mahorais n'ont eu cesse de dire, notamment ceux qui les propriétaires de ces parcelles, en disant « Nous avons... » à plusieurs reprises, demander aux forces publiques d'intervenir pour inviter ces gens-là, même s'ils ont des papiers, parce que là on dit clandestins, non, mais c'est des gens qui occupent illégalement des terrains, on les invite à partir, les forces de l'ordre n'interviennent pas, donc les gens veulent récupérer leurs biens, d'autant plus que maintenant, vous le savez comme moi, depuis 2014, les gens ici sont invités tous les ans à payer des impôts sur ces parcelles. Donc, à partir de là, les gens veulent totalement jouir de leur bien. Donc, ils invitent solennellement ces gens à quitter leur terrain. Alors, on reparlera maintenant, des... Maintenant que les forces de l'ordre ont enfin entendu et compris le désespoir des Maorais, ils ont d'ailleurs mené une action avant-hier dans Mamoudzou, donc dans une ville de Mamoudzou. Je pense que à partir de maintenant, du moment où la population est entendue, oui, la population demandera à ce que ça continue. Saïd Larifou, est-ce que vous comprenez l'exaspération des Maorais et est-ce que vous êtes surpris finalement qu'on en soit arrivé à cette situation extrêmement tendue sur le terrain? Oui, je comprends et je ne suis pas du tout surpris puisque bon, j'ai l'occasion de m'y rendre régulièrement sur place à Mayotte dans le cadre de mes activités professionnelles d'avocat. J'y ai même été à Mayotte la semaine dernière. Je suis allé sur place à la place de la République. J'ai rendu visite aux personnes qui y sont tassées. Et j'ai rencontré, discuté avec la population dans la barge et tout pour essayer de comprendre avant tout. Bon, je peux comprendre effectivement que les propriétaires des parcelles qui sont occupées demandent légitimement à prendre possession de leurs biens. Mais comme vous l'avez rappelé, nous sommes dans un état de droit. Il y a des procédures qui sont prévues en pareilles circonstances. Bon, moi, je regrette que les voies de recours n'ont pas été épuisées jusqu'à leur terme, mais aller jusqu'à se faire justice, c'est là où, effectivement, que ma divergence avec certains qui sont à Mayotte se fait sentir, puisqu'on ne peut pas, effectivement, se faire justice. Il y a des dispositifs juridiques et judiciaires qui sont promis à la matière. Nous sommes en France jusqu'à preuve du contraire. Je pense qu'il faut s'y conformer, puisque sinon, on risque de se retrouver dans des dérapages et puis dans des formes de violence qui peuvent rendre la situation déjà complexe et tendue sur plan dramatique. Alors, Germaine, bon, voilà. Oui. Et moi, je disais que bon, je peux comprendre, donc c'est ça la compréhension. Et puis, je ne suis pas du tout surpris, puisque la situation de Mayotte, tout le monde l'a dit. Moi, je ne suis pas là aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, pour essayer de relater des faits divers. Bon, c'est une situation que tout le monde s'attendait, mais bon, ce qui peut encore rendre les uns et les autres davantage responsables, c'est de laisser cette situation encore s'aggraver davantage. Et c'est dans ce cadre qu'effectivement mon intervention dans le cadre de cette émission me semble tout à fait justifiée pour réfléchir avec nos frères et sœurs maorais, comment nous pourrons tous ensemble, sans parler des débats territoriaux, des revendications territoriales, mais aujourd'hui nous avons un drame humanitaire à Mayotte. Mais fatalement, la revendication territoriale, elle va revenir tôt ou tard au cœur du problème, non? Oui, bon, ça c'est la revendication territoriale, c'est une réalité aussi, c'est un problème, il faut pas le nier, puisque moi je suis pas de ceux qui nient cette réalité et ce débat. Il faut effectivement, à un moment ou un autre, l'aborder avec plus de modération, avec un sens très très très fort de nuance, et tenir compte de la vie, et puis des intérêts, et puis des interrogations et des soucis des uns et des autres, pour parvenir à un consensus qui favoriserait les uns et les autres. Donc aujourd'hui, nous avons une urgence. Il s'agit d'une urgence humanitaire. Et dans le cadre de ce problématique humanitaire, je pense que là aussi, nous devons les uns et les autres observer plus de modération. Le problème qui se pose actuellement, l'actualité immédiate, urgente de Mayotte, c'est quoi? C'est que nous avons un flux migratoire, effectivement, qui inquiète les habitants de Mayotte. La question se pose de savoir comment gérer ce flux migratoire. Comment nous, qui sommes de l'autre côté aussi de l'archipel, nous pourrons aussi assumer nos responsabilités pour permettre aux 100 000 Comoriens des autres îles qui vivent à Mayotte de vivre en harmonie avec les habitants de Mayotte. C'est ça le problématique qui se pose. Et la problématique, c'est peut-être aussi, alors on y reviendra, de freiner les départs des Comores vers Mayotte. Germaine Bourdet, donc je le disais tout à l'heure, avec d'autres associations, notamment la CIMAD, le groupe d'information et de soutien des immigrés, et donc le Secours catholique, votre association, vous aviez fait une démarche en justice pour faire interdire une manifestation d'expulsion. Est-ce que vous êtes d'accord déjà sur le constat, l'élu de Mayotte nous dit c'est pas une chasse aux clandestins, Moi, je dirais que, enfin, en tout cas, l'impression que ça peut donner, ça peut être quand même dans ce sens-là. Et j'ai eu mon collègue ce matin qui, effectivement, me donnait des faits, qui indiquait un peu dans ce sens. Je crois que ce qui est important et à titre humanitaire, c'est de dire il y a des lois, il y a des procédures, il faut absolument qu'elles soient respectées et de renvoyer peut-être chacun à sa responsabilité effectivement là-dessus. Donc il y a un travail à faire sur cette question-là. Je pense qu'il y a aussi un travail à faire peut-être à développer en tout cas plus, et c'est un petit peu ce que j'en ai ressenti de la part de notre échange ce matin avec mon collègue, c'est de favoriser peut-être la concertation et la coordination au niveau des associations et des instances qui sont sur le terrain. Peut-être que ça manque un petit peu, et que peut-être pour arriver à avancer et à ce que ça ne génère pas, il y a un travail à faire important et tout de suite sur cette question-là. Alors le travail, il doit être fait à l'intention de qui ? À l'intention des personnes qui sont en situation d'être expulsées, puisque certaines sont en situation irrégulière, à l'attention des villageois qui disent bah, ce sont nos terres, elles ne doivent pas être occupées illégalement ? Je pense qu'à l'attention des deux, et je pense que justement dans cette question de coordination et de dialogue, elle doit se vivre avec tous les gens qui sont concernés, donc c'est en priorité bah, ceux qui effectivement sont sur le terrain, donc ceux qui sont sans papiers, ceux qui ont des papiers mais qui sont dans des situations compliquées, les propriétaires des terrains, qui effectivement aussi des droits, donc c'est avec toutes ces personnes-là qu'il doit y avoir concertation et dialogue et qu'il faut absolument encourager pour que voilà, la sérénité, la paix reviennent sur Mayotte. Oui. Alors l'urgence est humanitaire, nous disait à l'instant Maître Larifou. Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur place, notamment Place de la République, où bien se donnent rendez-vous les personnes qui sont expulsées à Mamoudzou ? Ben, c'est d'abord des personnes qui sont dans situation, je dirais, de souffrance, et qu'il faut les aider, les accompagner, il faut humainement les prendre en compte, donc on ne peut pas voilà, jeter ou remettre des gens sur des bateaux et les ramener chez eux comme ça, et qu'il y a un travail à faire aussi en collaboration, et c'est vrai que un des intervenants disait ben, quel travail, quelle collaboration avec effectivement l'archipel. Je crois que là, il y a un vrai travail à faire. En tout cas, nous, on est en train de réfléchir déjà depuis quelques temps sur comment accompagner peut-être des personnes qui ont envie de revenir chez elles, mais aussi comment peut-être aider des jeunes en particulier qui resteraient peut-être sur leur île s'il y avait des conditions autres en termes de formation, en termes d'accompagnement. Et donc, il y a un vrai travail là aussi en parallèle à faire. Ce n'est pas contradictoire, mais en tout cas, c'est complémentaire. L'urgence humanitaire, c'est aussi de trouver un logement aux personnes qui sont en droit de rester à Mayotte. Et il y en a hein, parmi les personnes expulsées, puisque par exemple, sur 114 personnes qui ont été expulsées, 83 étaient en situation irrégulière. Donc la différence, bah, c'est une trentaine de personnes oui, qui sont en situation régulière. Pour ces personnes-là, Monsieur Soumaïla, je rappelle que vous êtes secrétaire départemental des Républicains à Mayotte, est-ce qu'il y a une solution? Vous savez, il faut rappeler une chose que j'estime moi très importante, donc il faut toujours regarder dans le rétroviseur. Depuis la séparation de Mayotte et les Comores, une quarantaine d'années environ, 1974. Les Maorais ont toujours, à bras ouverts, accueilli tous les étrangers, pas seulement les Comoriens, tous les étrangers qui sont venus sur le territoire. Il y en a même, je vous le dis, des Maorais qui ont donné gratuitement des terres à des étrangers qui sont venus ici pour s'installer. À vous dire à quel point les Maorais sont généreux, à quel point l'humanitaire, le Maorais, c'est pas... Il connaît le Maorais, il sait ce que c'est l'humanitaire. Mais on se retrouve aujourd'hui dans une situation où, avec l'arrivée massive des étrangers, je dis bien des étrangers parce que souvent, on essaie de faire l'amalgame. Tous les étrangers qui viennent sur Mayotte, on dit souvent... des enjoinés parce que en réalité tous les Kwassa partent d'enjoin, que cet étranger vienne de l'Afrique ou d'ailleurs, ils viennent sur enjoin pour prendre un Kwassa, vous le dites, d'où souvent l'amalgame qui est fait entre les enjoinés et l'ensemble des autres Comoriens. Et ce serait quoi leurs autres provenances s'ils passent par enjoin? Ah mais moi j'ai vu des Syriens qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps à Mayotte, il y a des Africains. Tous les jours, il y a des Africains aussi qui débarquent sur le territoire. Il y a des gens qui viennent de la grande île, à Madagascar, qui viennent sur le territoire. C'est vrai, la majorité viennent des Comores, de manière globale, les trois îles. Mais il y a des étrangers qui viennent ici. Aujourd'hui, il se trouve que Mayotte, on l'a dit, on ne répétera jamais assez, ne peut pas accueillir tout ce monde. Mayotte, c'est 374 km². Aujourd'hui, on ne peut plus faire ce qu'on pouvait faire il y a quelques années en arrière, donner un terrain à une personne qui s'installe, on peut à la limite lui donner un terrain pour s'installer. Mais quand c'est une famille, 2, 3, 4, 10, 15, ce n'est plus possible. Donc je voulais quand même rappeler cet aspect des choses. Deuxièmement, la question c'était comment reloger tout simplement ces personnes concrètement. La question, elle appartient pas à moi. La question, elle appartient à l'autorité préfectorale, notamment les représentants de l'État ici. Quelle piste vous proposez, vous, avec votre parti Les Républicains? Moi, j'étais à l'antenne de vos confrères ici, de Maître Première. On m'a posé la question. Quelles sont les solutions pour, dans un premier temps, régler le problème des gens qui sont devant la place de la République? Parce que la mairie de Namoudzou, où je suis élu également, on a demandé à la préfecture de prendre ses responsabilités. Donc, il y a... Et ça se passe comme ça partout dans le territoire, territoire national et les Outre-mer compris. Il y a une urgence. Les autorités préfectorales ont la possibilité de saisir des hôtels, de saisir des chambres d'hôtes, de saisir des logements qui sont inoccupés, peut-être avec la société immobilière de maître qui est sur le territoire. Ils ont la préfecture a la possibilité, dans un premier temps, d'aller installer ces quelques personnes qui n'ont pas encore... qui n'ont pas été relogés soit par leur famille respective, soit par d'autres personnes, soit par les associations qui est représentée par madame, si je ne sais pas s'ils ont logé des gens ou pas. Mais oui, dans un premier temps, la préfecture doit assumer ses responsabilités. Et c'est vrai que le préfet récemment a un peu mis le feu aux poudres en déclarant qu'il n'y avait pas de solution de relogement. Donc du coup, Saïd Larifou, c'est vrai que ça ne rassure pas les personnes qui sont sur place et ça accentue encore les tensions. Oui, ça accentue les tensions puisque j'étais sur place à la place de la République, c'était mardi dernier. Moi, j'ai entendu des parents me demandant si c'était possible de demander et d'interpeller les autorités comoriennes pour leur trouver une solution de relogement. Moi, je salue le travail colossal qui est mené par les associations humanitaires dont les responsables, je les ai rencontrés sur place. Ce sont des gens qui travaillent. Moi, je salue le travail des anonymes ici également, qui assistent en permanence ces familles qui disposent de rien, qui n'ont aucun sou, qui n'ont aucun moyen de subsistance et qui sont aidés par les associations humanitaires, par des particuliers que j'ai rencontrés sur place. Bon, il y a urgence. Bon, on ne peut pas tout renvoyer à l'État, même si effectivement on sait que ça relève davantage la responsabilité de l'État. Bon, oui, parce qu'il y a des décisions de justice à faire appliquer, ça n'a pas été le cas ces dernières années, visiblement. Oui, il y a des décisions de justice qui n'ont pas pu être exécutées, mais ça arrive partout, même à La Réunion, même en France, on se rend compte quelquefois qu'il y a des décisions de justice qui ne sont pas du tout... On ne parvient pas forcément à exécuter des décisions de justice, mais cela ne justifie pas non plus que les gens se livrent eux-mêmes à des violences, ou bien exercent eux-mêmes leur propre justice, puisque sinon ça sera... la débandade, et puis ça sera l'anarchie totale, et puis ça peut se traduire aussi par des répliques violentes. Bon, moi je pense que par rapport à cette urgence humanitaire, il faut, dans un premier temps, le temps que les autorités politiques, préfectorales et puis municipales puissent arriver à une solution durable et puis pérenne, il faut aider les associations qui sont sur place. Je ne sais pas, c'est à elles de voir quelle est la formule qui leur paraîtrait la plus appropriée, mais il est urgent. Au jour d'aujourd'hui, on est au mois de Ramadan, on est dans un pays où l'islam est pratiqué par pas moins de 99% de la population. Est-ce que justement, je me permets de vous couper pour vous poser cette question, est-ce que le Ramadan peut permettre d'apaiser les choses? Ben, on a vu hier qu'il y a les femmes des leaders, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, les femmes leaders sont venues sur place effectivement pour manifester et demander à l'apaisement. Et demander aussi à ce qu'on arrive à des bons sentiments. Donc c'est déjà un premier geste. C'est un geste d'apaisement. Moi, je suis confiant. Je connais bien Mayotte, je connais les Mahorais, je viens souvent sur place. Je sais qu'il y a un espace pour le dialogue. Et c'est pour cette raison que j'invite les uns et les autres, que ce soit les élus Mahorais, que ce soit nous de l'autre côté de l'archipel, d'avoir une attitude tout à fait modérée, puis d'avoir des jugements très nuancés par rapport à ce qui se passe. Sur place, c'est ce qui pourra nous amener à trouver une solution durable. Aujourd'hui, on va trouver une solution urgente par rapport aux urgences humanitaires. Mais on sait que tous les jours, il y a des Kwassa qui arrivent sur place à Mayotte, qui amènent des personnes qui ne sont pas désirées à Mayotte. De quoi elles ont besoin, les associations humanitaires, Germaine Bourdet? Alors, elles ont besoin d'abord que l'État et les institutions favorisent le dialogue. Je pense qu'on ne s'est peut-être pas donné complètement tous les moyens pour ça, et de favoriser la rencontre des gens qui sont sur le terrain. Donc voilà, se donner les moyens de faire effectivement, faire en sorte que la loi soit respectée, parce que je pense que les associations peuvent travailler, mais que c'est pas elles de prendre, voilà, d'avoir à en venir à faire des référés pour que la loi soit appliquée. Voilà, donc ça. Et puis effectivement, de faire en sorte que peut-être une collaboration un peu plus large se mette en place au niveau de, en tout cas pour Mayotte, hein, une collaboration plus large pour réfléchir, je dirais, au fond quand même de la situation. Enfin, le fond, c'est quand même le fait que les gens n'arrivent pas à vivre chez eux dans des conditions possibles et acceptables. C'est comment on peut travailler sur ces deux côtés. Parler des Comoriens qui quittent leur archipel pour arriver... Oui, parce que c'est majoritairement, enfin, en tout cas dans le public que le Secours catholique rencontre, c'est majoritairement quand même des jeunes qui viennent effectivement, en particulier de l'archipel, même si, hein, effectivement, on retrouve, et l'autre intervenant le disait, hein, des personnes qui peuvent venir aussi d'Afrique et de Madagascar. C'est quand même une minorité. C'est comment, effectivement, collaborer à cette dimension de, voilà, plus large et pour essayer d'agir, je dirais, sur le problème de fond de départ, qui est quand même le fait que les gens n'arrivent pas à vivre chez eux correctement à minima pour et qui soient obligés de partir finalement pour aller chercher, en tout cas, ce qu'ils espèrent, une vie meilleure ailleurs. Mais vous arrivez toujours à maintenir le dialogue avec les personnes qui sont en difficulté, parce que quand il y a des tensions, parfois, à un certain moment, on en arrive à ce que les associations ne soient plus les bienvenues. Oui, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, plus que jamais, le dialogue est indispensable, d'autant plus qu'il y a aussi la peur, en fait. Et donc, ils ont besoin, effectivement, d'exprimer ces peurs-là, et que donc, le dialogue est indispensable. Et en tout cas, nous, on se donne les moyens dans ce sens-là, pour vraiment, avec les personnes qu'on rencontre, prendre le temps de l'écoute et qu'ils puissent s'exprimer. La peur, c'est aussi, Amdil Wahedou Soumaïla, la peur que ça aille encore plus loin. On a eu cet apprenti djihadiste qui menaçait de commettre des attentats à Mayotte. Est-ce que vous avez pris ça au sérieux? Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux? Vous nous disiez que certaines personnes peuvent venir de Syrie. On entend tout ça. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Bien sûr que il faut prendre toute menace au sérieux. On ne peut pas. J'ai compris même que les autorités préfectorales ont demandé à l'ambassade de France en Égypte, je pense que c'est le djihadiste était d'Égypte, et il aurait été, d'après les informations que nous avons, la personne qui avait proféré ces menaces aurait été arrêtée. Mais je voudrais revenir sur le problème de fond que madame d'ailleurs a cité tout à l'heure. Ça, c'est la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est le problème de fond. Parce qu'aujourd'hui, on parle de ces familles qui sont devant la place de la République. Mais l'urgence humanitaire, à mon sens, et souvent on ne le dit pas ou on ne le dit pas assez, c'est l'urgence humanitaire qui consiste à se poser la question et à redonner de la voix aux sans-voix qui sont les personnes, les familles, les enfants, les hommes et les femmes qui meurent tous les jours. Et je insiste bien, tous les jours entre Anjouan et Mayotte. C'est ça, pour moi, la question de fond. Et pour moi, c'est ça l'urgence qu'il faudra régler, parce qu'il y a ces gens qui sont ici, qui sont arrivés à bon port, entre guillemets, ils sont là. Mais on ne parle jamais de ceux qui meurent au quotidien entre Mayotte et entre Anjouan et Comores. Et c'est là où la question se pose. Que font depuis 40 ans les responsables politiques comoriens pour faire en sorte que leurs compatriotes, c'est leurs compatriotes quand même, c'est des responsables politiques. Comment on peut être un responsable politique, voir tous les jours ses compatriotes mourir entre Anjouan et Mayotte? Et pourquoi? Pour peut-être c'est humain, c'est l'instinct humain. À la recherche d'une bonne éducation, c'est ce que les femmes qui sont devant la République, devant la place de la République, elles disent. Mais moi, je ne vais pas aller aux Comores parce que mon enfant ne pourra pas avoir une bonne éducation. Moi, je ne vais pas aller aux Comores parce qu'il n'y a pas un bon système de santé. Mais les responsables comoriens, qu'est-ce qu'ils font de toutes les aides que la France consent à l'État comorien? Que fait les responsables politiques de toutes les aides financières que l'Union européenne, je ne parle même pas des autres pays du Golfe et autres, je parle seulement des aides financières que la France, que les aides qui dépendent de vos impôts, monsieur, de mes impôts, des impôts de mes autres collègues qui débatteurs. Vous dites que la France aide déjà suffisamment les Comores, ou il faut aller plus loin pour être clair? Je suis juste, non, pour être clair, je demande que le peu, même si on ne peut pas aider suffisamment quelqu'un, mais le peu que la France, l'Union européenne et les autres pays donnent aux Comores, moi je pose la question. Mais que font les responsables politiques comoriens? Pourquoi il n'y a pas un bon système de santé aux Comores? Pourquoi il n'y a pas des écoles aux Comores? Pourquoi il n'y a pas un développement aux Comores pour qu'on évite ces gens, ces hommes et ces femmes de venir mourir en juin et maillot? Ça, c'est la vraie problématique et ça, on n'en parle pas souvent. On va poser la question à Saïd Larifou. Vous qui avez été candidat à cette élection présidentielle aux Comores, quel regard vous portez sur toutes ces critiques? Bon, écoutez, je pense qu'effectivement, ces critiques, on n'a pas besoin qu'un élu maoré la formule à l'endroit des dirigeants comoriens. Les citoyens comoriens, eux-mêmes, d'une façon spontanée et naturelle, interpellent leurs dirigeants politiques. Moi-même, j'ai jamais été au pouvoir. Hein. J'étais candidat, sur 25 candidats, je suis arrivé en 5e position. J'ai moi-même aussi interpellé mes concurrents à ces élections. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être interpellé par un élu maoré pour comprendre qu'effectivement... Mais est-ce que c'est pas légitime? La cause de ceux qui risquent leur vie pour venir à Mayotte, c'est l'état de pauvreté qui sévit dans les autres îles de l'archipel des Comores. Et ce que je souhaiterais dire, c'est que... Bon, tout à l'heure, vous avez parlé... L'histoire de ces djihadistes, effectivement. Oui, il y a quelque chose qu'il faut dire quand même, c'est que la pauvreté, l'urgence humanitaire, c'est le terreau de toutes les dérives de ce genre-là. Également, malheureusement, la précarité peut mener à ce genre de. Peut mener au terrorisme. C'est une possibilité parmi d'autres. Est-ce que vous avez peur de ça? Bon, moi, j'ai peur de ça, effectivement, puisque vous savez, le terrorisme, c'est une réponse ignoble et criminelle. À la pauvreté, de la pauvreté. Bon, donc, moi, et puis, l'état de pauvreté amène à des situations extrêmes aussi, que ce soit du côté de Mayotte, que ce soit du côté aussi des autres îles de l'archipel. Effectivement, la situation telle qu'elle est aujourd'hui fait le lit des extrêmes, vous voyez. Et c'est pour cette raison que j'ai toujours milité, et je l'ai dit davantage là dans le cadre de cette émission, que nous sommes tous condamnés au dialogue et puis à la modération de nos jugements. Que ce soit ceux qui sont à Mayotte, lorsqu'ils sont amenés effectivement à évoquer leur position qui leur semble légitime, ils doivent le faire dans la modération. Et nous aussi qui sommes de l'autre côté de l'archipel, lorsque nous sommes amenés à analyser, à juger ce qui se passe à Mayotte, nous devons le faire aussi dans le même terme de modération. C'est dans ces conditions que nous pourrons tous arriver autour d'une table et parvenir à un dialogue qui amènerait à une solution durable, à ce fléau, puisqu'il s'agit d'un fléau. Moi, je suis condamné à cette modération, puisque la vie, la sécurité de 100 000 Comoriens qui vivent à Mayotte dépend aussi de notre position, dépend aussi du jugement que nous pourrons formuler sur ce qui se passe à Mayotte. Et c'est pour cette raison que, oui, effectivement, la situation sociale et économique aux Comores est extrêmement tendue et chaotique, et c'est ce qui justifie, effectivement, le départ massif de nos compatriotes à Mayotte, parce qu'ils pensent qu'effectivement Mayotte constitue une réponse à leur situation de survie. Voilà. Et Mayotte, ça j'en conviens aussi, puisque 374 kilomètres, kilomètres carrés ne peut pas effectivement contenir davantage de pauvreté. Et bon, c'est pour cette raison que nous devons tous, les autorités comoriennes, les autorités françaises, bien sûr avec la participation active des Maorés, nous devons nous retrouver tous ensemble autour d'une table pour un vrai dialogue qui pourrait nous amener à sortir de cette impasse. Puisque sinon, ça sera chaotique. Il y a certains qui parlent de la guerre civile. Moi, je parle d'une insurrection qui n'épargnera personne. On va aller au standard Marie-Françoise de Saint-Denis au 02 62 99 2000. L'émission arrive presque à sa fin, mais il n'est jamais trop tard pour nous joindre. Bonjour. Bonjour, bonjour. Maître Saïd Larifou, que j'ai déjà rencontré. Alors, je connais l'île de Mayotte, je connais la problématique Mayotte-Comores, je suis réunionnaise. Alors, sans vouloir faire le débat, parce que je n'y suis pas, je pense que, comme disait l'autre intervenant, que sont les Comores avec la raison de la France, et ne dit-on pas où il est sûrement acté que Mayotte fait partie de l'archipel des Comores, donc africaine, et qu'elle retourne avec l'Afrique. Alors, on ne vous a pas très bien entendu, que Mayotte retourne avec l'Afrique, c'est ça que vous dites? Elle fait partie de l'archipel des Comores, oui, d'une façon et géographique, et les États-Unis le disent. Les Nations Unies, oui. Voilà. Donc, pitié pour tous ceux qui souffrent, les Kwassa Kwassa, les autres choses, etc. Et tant mieux pour les pauvres Maorais, et qui, eux, sont plus fiers que nous, Réunionnais, et qui veulent, et qui auront ce qu'ils veulent. Mais pitié, pitié, arrêtons les dégâts. Voilà. Voilà, alors la solution, ce serait que Mayotte réintègre les Comores. La question, c'est le choix qu'ont fait les Maorais en 1974 avec le référendum. Tout à fait. C'est pas une question, monsieur. Ils ont choisi d'être français. Moi, le peu que je sais, quand le socialiste est en pouvoir, ils sont pour les socialistes. Quand la droite est au pouvoir, ils sont pour la droite. Et tant mieux ou tant pis, parce qu'ils sont citoyens et ils sont fiers de l'être. Donc vous comprendrez bien qu'ils ne peuvent pas redevenir comoriens. Si on leur pose la question, ils sont devenus départements français. C'est certain, mais aujourd'hui la France... Mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, madame. Oui, tout à fait, mais la France a du mal avec Mayotte, a du mal avec les Comores. Alors arrêtons. Bon, arrêtons. Écoutez, j'ai du mal à suivre votre raisonnement, j'avoue. Une réaction peut-être, monsieur Soumaïla, secrétaire départemental des Républicains Mayotte. Je suis comme vous, je n'ai pas compris l'intervention de madame, mais aujourd'hui il ne s'agit pas de poser la question sur l'avenir institutionnel de Mayotte. Ce n'est pas l'objet, ce n'est pas le débat. Ce choix. Oui, vous nous dites ? Donc, je disais, la question du statut de Mayotte. C'est une question qui ne se pose plus. Elle s'est posée en 1975 par référendum. Elle s'est posée en 2009. Et maintenant, on est un département français. On est une région, la 9e région ultra-périphérique de l'Europe. Donc, la question ne se pose plus. Donc, je n'ai pas compris trop l'intervention d'accord. de madame. Mais si c'était sur le statut, oui, je pense que c'est une question qui ne se pose plus. Tout à fait. Germaine Bourdet, qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens là-bas pourquoi ils viennent des Comores ils se voient pas du tout rester aux Comores? J'ai envie de dire, je crois qu'ils auraient envie de rester aux Comores pour y être allés en immersion, puisqu'on travaille sur un projet effectivement de formation, ce que je disais tout à l'heure. Les gens qu'on a rencontrés, ils aspirent tous à rester chez eux. Le problème, c'est que les conditions de vie font que on va chercher ailleurs. Enfin, c'est humain, on va chercher ailleurs peut-être des conditions meilleures. Donc, c'est une des questions, en tout cas, à prendre en compte dans cette question de Mayotte et des Comores aujourd'hui. C'est comment peut-être accompagner aussi, aider des et peut-être à développer en termes de formation, en termes de scolarité, en termes, dans tous les domaines, pour que nos voisins puissent habiter chez eux et rester chez eux, et que du coup, les Maorais, effectivement, se retrouvent à mieux vivre aussi chez eux, dans des conditions normales, dans le respect de la loi. Maître Larifou, pour terminer, sera le mot de la fin. Par rapport à ce que disait cette personne, il n'y a pas de possibilité de retour en arrière pour Mayotte. Écoutez, moi je ne jure jamais sur l'avenir. Bon, je sais que l'évolution des relations des îles de l'archipel des Comores ne sont pas forcément linéaires. C'est une évolution qui obéit à un processus extrêmement complexe, soumis à des paramètres internes, marqués par des rapports de force entre les îles. Et puis bon, il y a aussi des antagonistes liés à notre histoire, notre culture insulaire, arabo-africaine, l'histoire contemporaine aussi, et puis il y a la situation au jour d'aujourd'hui. Donc moi, je ne vais jamais jurer sur l'avenir. Je pense que dans l'immédiat... Oui, comment vous voyez la suite, là? Bon, moi, je pense que la suite ne fera pas l'économie du dialogue. Nous avons une situation qui est complexe. On ne va pas arrêter ce problème qui se pose à Mayotte aujourd'hui sur l'aspect purement sécuritaire. Il ne faut quand même pas être naïf. Depuis 30 ans, plus de 30 ans, lorsqu'on évoque le problème de Mayotte, on parle de cette histoire sur l'aspect purement sécuritaire et puis sur l'aspect purement économique. On oublie qu'il y a d'autres aspects historiques et puis culturels. Il ne faut pas nier, puisque sinon, ce n'est pas vraiment un déni de certaines réalités au jour d'aujourd'hui. Ça veut dire que la France doit accentuer son aide au développement des Comores? La France doit axer son aide au développement des Comores, penser à un plan Marshall de relations entre Mayotte et les autres îles de l'archipel. Il faut normaliser ces relations, les relations entre Mayotte et les îles de l'archipel des Comores. C'est une nécessité absolue, sinon Mayotte ne sera jamais à l'abri des assauts à l'abri des problèmes. Il y a une nécessité absolue, il faut un plan Marshall de dialogue et de développement économique entre les îles de l'archipel des Comores. Il y a des complémentarités à réfléchir, à mettre en place. Bon, donc lorsque certains disent que bah, écoutez, c'est une histoire bâclée, elle est figée, on ne peut plus discuter de quoi que ce soit, moi je dis non, il ne faut quand même pas jurer sur l'avenir. Moi, je ne suis pas du tout responsable de ce qui nous arrive aujourd'hui, mais je suis responsable de l'avenir de cet archipel. Et c'est pour cette raison que je ne ferme pas la porte au dialogue, ni aux discussions avec mes frères et sœurs maoris. Et c'est à cette condition, évidemment, qu'on sortira de cette crise. Merci, Saïd Larifou, d'avoir été en duplex de notre studio de Malakoff. Merci aussi à Amdil Waïdou Soumaïla, le secrétaire départemental des Républicains Mayotte, qui intervenait depuis notre studio de Mayotte Première. Et puis Germaine Bourdet. C'est moi qui vous... Merci. Merci. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Merci et aussi. J'espère que très prochainement les choses vont s'arranger, mais à une condition que oui, que les Comores acceptent que Mayotte est française et européenne, et puis qu'on puisse à partir de là voir dans quelle mesure on pourrait mettre l'accent sur le co-développement, la coopération régionale. Merci. Pas de problème. Chaque fois, on peut toujours des conditions. Il faut jamais, dans le cadre d'un dialogue, imposer un préalable. Sinon, on sera dans un blocus qui nous amène à ces dérives, à ces tragédies aujourd'hui. On voit que la situation est compliquée et qu'on aura du mal à tous se mettre d'accord. Merci à Germaine Bourdet aussi, qui était en studio avec moi, déléguée départementale du Secours catholique. C'est dans l'actu demain. Bac, la dernière ligne droite. Première. Vous êtes souvent pessimiste. Je ne suis pas pessimiste, je suis concret. Moi, je suis offensif. Je ne suis pas un dinosaure de la politique. Devant la Réunion, c'est l'émission politique de la rédaction. Un invité, 45 minutes d'interview, tous les lundis soirs à 18h15. Devant la Réunion, le magazine politique de la rédaction. Sur Réunion Première. J'ai toujours adoré la mode. Plus jeune, je faisais déjà des vêtements à mes poupées. En grandissant, j'ai gardé ce rêve de travailler dans la mode. Alors, comme je ne trouvais pas de travail, j'ai décidé de réaliser mon projet grâce au tremplin pour l'activité des jeunes. J'ai monté un dossier, il a été accepté et avec l'accompagnement du département, j'ai pu lancer mon atelier de couture. Alors, vous aussi réalisez vos rêves avec le tremplin pour l'activité des jeunes. Avec le département, enclenche ta motivation, déclenche ta vie en appelant dès maintenant le numéro vert 0800 1 801 000 ou en te renseignant sur le site cg974. Quand on arrête de fumer, certaines habitudes sont souvent difficiles à perdre. Comme la cigarette que l'on fume pour surmonter son stress. Et dans ces moments-là, on a parfois besoin d'un coach. À tout moment, votre application Tabac Info Service est là pour vous accompagner. En cas de coup dur, vous profitez d'astuces pour surmonter vos envies. Et pour entretenir votre motivation, vous recevez régulièrement des conseils personnalisés de tabacologues. Pour arrêter de fumer, téléchargez gratuitement l'application Tabac Info Service sur l'App Store et Google Play. Un service du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Première. 15 à 20 millions d'euros par jour, voilà ce que coûte à la SNCF la grève qui a lieu en ce moment. Et c'est un porte-parole de la direction qui le dit. Le détail sur la situation en métropole dans le journal de France Info dans quelques minutes à 13h. Bonjour Chloé et bon après-midi. Bonjour Philippe Dornier, merci. Bon après-midi à vous aussi à demain matin sur Réunion Première 7h15. M-Z-Mac, good punta. M-Z-Mac, pas à d'autres dix azotes, good moi ça. Vermin, check this star. C'est pas avec tout monde, c'est couvé pas et feo. C'est pas avec tout monde, c'est couvé pas et feo. C'est pas avec tout monde, c'est couvé pas et feo. Laisse pas autant tes pans, c'est couvé pas et feo. Laisse pas autant tes pans, mécréant. Laisse pas autant tes pans, mécréant. Mécréant. C'est pas avec tout monde, c'est couvé pas et feo. Oubliez pas l'omniscient. Vous pouvez pas manquer de respect sinon c'est grave au combo. Ovation pour l'omniscient. Ovation pour l'omniprésent. Oubliez pas l'omniscient. Vous pouvez pas manquer de respect sinon c'est grave au combo. Ovation pour l'omniscient. Ovation pour l'omniprésent. Yo, bombe ou qui fait casse tout. C'est rien donc un bébé casse-cou. Casse tout pour faire victime ou même victime. Victime ou des 3 centimes. Yo, bombe ou pas de marteau. La case ouais vite pas les gants comme il est pas là. Testé, fallait pas. Les mailles bouchent pas. Les molles, boum, maintenant t'as connu. Oubliez pas l'omniscient. Vous pouvez pas manquer respect sinon fait gaffe au combo. Ovation pour l'omniscient. Ovation pour l'omniprésent. Oubliez pas l'omniscient. Vous pouvez pas manquer respect sinon fait gaffe au combo. Ovation pour l'omniscient. Ova. C'est pas pour que ça ne s'en sandy, gay lack lack sandy, super sandy, man who block sandy, say pop sandy for you, adore the, adore the, magnificent man, pop magnificent man, say who pas de de de de avec lui, avec avec lui, lui connaît tout comme beaucoup de pas mailleux, personne ne se dissimulera, il connaît l'invisible et l'invisible. Oubliez pas l'omniscient. Coupez pas mon crispé, sinon fais gaffe au combo. On va sur pour l'omniscient. On va sur pour l'omniprésent. Oubliez pas l'omniscient. Coupez pas mon crispé, sinon fais gaffe au combo. On va sur pour l'omniscient. On va sur pour l'omniprésent. C'est pas avec tout le monde. Coupez pas et fais. C'est pas avec tout le monde. Coupez pas et fais. C'est pas avec tout le monde. Coupez pas et fais. Laisse pas autant, t'es pas. 13h à La Réunion, l'actualité, France Info. Bonne fin de matinée à l'écoute de France Info, il est 11h. Agnès Soubéran pour le journal. Bonjour Agnès. Bonjour Marie, bonjour à tous. Il faut rester prudent et vigilant. Le retour à la normale prendra du temps. Déclaration de Manuel Valls ce matin alors que la crue de la Seine se stabilise en Normandie. Le Premier ministre a également annoncé un fonds d'aide d'extrême urgence. Nous allons l'entendre. Et dans certaines communes, le grand nettoyage a commencé et ce n'est pas sans risque. Reportage à Paris auprès des habitants de Péniche, à Marais-sur-la-Seine. Ils sont des centaines à tenter de monter à bord de bus mis en place par la préfecture pour rejoindre des centres d'hébergement. Évacuation en ce moment du campement des Jardins des Halles dans le 18e arrondissement de Paris, où près de 2000 migrants s'étaient installés ces dernières semaines. Et puis la grève à la SNCF, vous l'avez dit Marie, se poursuit. François Hollande souhaite que le mouvement prenne fin avant le début de l'euro dans 4 jours. Le chef de l'État était d'ailleurs auprès des Bleus hier soir, qui sont désormais installés à Clairefontaine le temps de la compétition. Et 14 départements restent en vigilance orange à cause des inondations en Normandie, en Ile-de-France et dans le centre Val-de-Loire. Il fait plus chaud, mais cet après-midi, ça tourne à l'orage sur la moitié nord et l'extrême sud-ouest. Vous aurez 28 degrés à Toulouse cet après-midi, il fera 26 à Strasbourg, 23 à Paris, 24 à Lille. France Info. Agnès Soubéran. Manuel Valls est donc attendu notamment dans la journée à Montargis, dans le Loiret, pour faire un point sur le terrain, sur ces inondations. Le Premier ministre a réuni ce matin au ministère de l'Intérieur ses collègues directement concernés par la situation, l'environnement, l'intérieur, les finances, les collectivités territoriales et l'économie pour faire un point complet. Ces intempéries, rappelons-le, ont fait 4 morts et 24 blessés. Au total, des centaines de communes ont été frappées, des gares inondées, des milliers d'entreprises et de commerces affectés, sans oublier les agriculteurs et les particuliers sinistrés. Et pour faire face aux situations les plus difficiles, Manuel Valls a donc annoncé ce matin la mise en place d'un fonds d'extrême urgence de plusieurs millions d'euros. Le gouvernement a décidé, au titre de la solidarité nationale, de mobiliser un fonds d'extrême urgence pour les personnes sans ressources qui ont tout perdu dans cette catastrophe. Il s'agira de pouvoir parer aux dépenses de première nécessité dans ce moment difficile et dans l'attente de la prise en charge par les assurances. Ce fonds sera géré par les préfets de département, dans chaque département, en lien notamment avec les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale pour répondre encore une fois à des besoins criants, gens qui ont tout perdu, qui ne peuvent pas revenir dans leur maison ou dans leur logement et qui ont besoin de ce soutien, donc plusieurs millions d'euros. J'ai demandé au ministre et au préfet de faire un état précis des besoins pour pouvoir procéder dans les jours à venir au versement de cette aide. Manuel Valls, donc ce matin, à l'issue de cette réunion au ministère de l'Intérieur. Le niveau de la Seine reste haut en Normandie, mais la crue est stabilisée. En raison d'un coefficient de marée élevé, les quais ont de nouveau été envahis la nuit dernière à Rouen et Elbeuf, mais sans menacer les habitations. Et puis en Ile-de-France, la décrue a commencé, elle sera très lente. Et c'est un moment souvent critique pour les péniches installées à Paris. La vigilance est sur les quais à son maximum, notamment près de la Tour Eiffel. Reportage d'Anne-Charlotte Costabadi. Ils sont nombreux à surveiller les péniches, comme Hélène, elle travaille pour Port de Paris. On fait deux tournées, donc matin et soir, on vérifie que nos clients vont bien, qu'il n'y a pas de problème sur leurs amarrages, il ne faut pas que les bateaux se retrouvent sur le quai. C'est aussi cela que redoute Valfroy, un pénichard, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui décident de vivre sur les péniches. Avec ses voisins, ils ont pris toutes les précautions possibles. Sur le bord de mon bateau, vous avez ce qu'on appelle des bastins là, ou des équarres, une tige verticale qui descendent, de façon à ce que ça tape sur le quai. Un bateau à fond plat qui reste sur le quai, c'est pratiquement la destruction. Pour nous, la décrue est plus risquée. Ça va être comme la rentrer dans l'atmosphère pour les capsules lunaires. Si ça, ça se passe bien, à partir de là, on est complètement tranquille. L'autre risque, c'est d'avoir par exemple des passerelles qui se coincent sur le quai. Les pompiers sont d'ailleurs venus à la rescousse du voisin de Martin. Plus ça descend, ça aurait cassé pas mal de choses. La décrue peut continuer, celle-là se cassera pas. Il y aura des tas de problèmes comme celui-là un peu partout. Il faut aussi faire attention à tous les déchets apportés par la crue, bois, pots de fleurs, des portes, même une baignoire. Martin a déjà eu des sueurs froides. Il y avait une terrasse, 7 mètres par 6, 4 ou 5 tonnes. Quand vous avez un truc comme ça qui vient dans les échafaudages, c'est un problème. Quand vous avez des crues tous les 2 ou 3 ans, les zones inondables sont nettoyées. Tandis que là, il y a 15 ans de saleté qui ne sont pas partis. Et là, ils sont venus en 2 jours. Et une partie de ces déchets se retrouveront sur les quais une fois la décrue terminée. Après l'angoisse, il y aura donc un gros travail de nettoyage. Et un certain nombre de liaisons ferroviaires restent perturbées par les inondations. C'est le cas notamment de la ligne C du RER qui ne circule pas dans Paris intramuros. À ces inondations s'ajoute la grève des cheminots depuis près d'une semaine. Les appels à faire cesser le mouvement se multiplient à 4 jours du début de l'Euro. François Hollande souhaite ainsi que la grève prenne fin avant le début de la compétition. Une ultime séance de négociation syndicat-direction a lieu dans la journée. La grève qui coûte à la SNCF entre 15 et 20 millions d'euros par jour selon un porte-parole de l'entreprise. Pour l'heure, le trafic reste perturbé. En moyenne, 6 TGV sur 10 circulent ainsi qu'un Transilien sur 2. Et puis une visite chahutée pour Emmanuel Macron ce matin à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Le ministre de l'économie a essuyé des jets d'œufs d'opposants à la loi travail et de militants communistes. Emmanuel Macron qui a dénoncé la violence et l'agressivité de ses militants. Il est 11h et presque 6 minutes sur France Info. Les centaines de migrants qui s'étaient réinstallés ces dernières semaines dans le campement des Jardins d'Éole au nord de Paris ont été évacués ce matin. Ils étaient près de 2000, originaires en grande partie du Soudan, d'Afghanistan et d'Érythrée, à vivre dans des conditions très précaires. Un cas de tuberculose avait été détecté. Les migrants sont conduits en bus vers des centres d'hébergement en Île-de-France. Il faut augmenter considérablement l'accueil des réfugiés sur tout le territoire, a dit Emmanuel Coste, la ministre du Logement, qui assiste à cette opération. La semaine dernière, justement, Anne Hidalgo a annoncé l'ouverture d'un camp humanitaire pour des réfugiés dans la capitale d'ici la fin de l'été. Éric Lejoindre, le maire socialiste 18e, veut effectivement que cette idée soit rapidement réalisée. L'enjeu de ce qu'a proposé la maire de Paris, que je soutiens bien sûr, parce que la réalité c'est que ces campements, ils existent, ils vont pas disparaître dans les jours qui viennent. L'enjeu, c'est d'arriver à avoir un centre d'hébergement, un campement, peu importe le terme qu'on utilisera, qui soit un lieu de transition où les personnes viennent, plutôt que d'attendre à la rue d'avoir une solution de droit commun, qu'elles puissent attendre dans ce lieu-là d'obtenir la solution de droit commun, et donc en lien avec l'État, faire en sorte qu'il y ait une capacité de sortir la plus rapidement possible pour accueillir les personnes qui arriveraient. Sinon, effectivement, le risque, c'est une forme d'enfistement. Il faut que ce soit suffisamment dimensionné pour permettre l'accueil des personnes et pas trop important pour permettre l'insertion de ce lieu sur l'espace urbain. Et il faut que ce soit fait le plus rapidement possible, même si, là encore, je sais à quel point c'est compliqué. Donc je sais qu'il faut aussi prendre le temps, réfléchir, trouver les lieux, trouver les modes d'accueil et donc... au moment où ce centre ouvrira, il ouvre dans de bonnes conditions. Éric Lejoindre, le maire socialiste du 18e. Je suis prête, je me suis préparée. Ce sont les propos de Cécile Duflot sur France Info concernant une possible candidature à la présidentielle en 2017. Mais la députée écologiste ne souhaite pas prendre date pour l'instant. L'essentiel, dit-elle, est de faire gagner l'écologie. Ce n'est pas une question de personne. Cécile Duflot qui a également annoncé qu'elle avait témoigné à la brigade de répression de la délinquance contre la personne, alors que 3 plaintes ont été déposées contre Denis Baupin pour harcèlement sexuel. J'ai fait ce que j'estime être mon devoir de citoyenne, a-t-elle expliqué. Des militants qui assignent en justice les responsables de leur propre parti, c'est assez rare et ce parti, c'est le Parti Socialiste. L'audience est programmée aujourd'hui à 14h au tribunal de grande instance de Paris. 3 adhérents du PS demandent en fait à la justice d'ordonner l'organisation d'une primaire. Mathilde Lemaire. Ce sont des militants de longue date, même soutien de François Hollande en 2012. Selon eux, une primaire est la dernière chance pour le PS de l'emporter l'an prochain. Mais au-delà de cette conviction, ils disent exiger seulement le respect des statuts de leur parti, selon lesquels le candidat à l'Élysée doit être désigné par des primaires citoyennes, dont le calendrier et les modalités sont fixés au moins un an avant. Barnabé Louche, l'un des 3 plaignants. Selon Christophe Cambendalis, il joue la montre pour ne pas organiser les primaires. Nous l'avons interpellé, nous l'avons écrit, nous avons tout fait. Nous sommes restés sans réponse face à ce mépris. La seule réponse qui nous reste, reste, nous le regrettons, c'est une réponse judiciaire. L'avocat du PS et de Jean-Christophe Cambadélis, son premier secrétaire, estime que la demande des trois militants est sans objet. Le Conseil national évoquera la question des primaires le 18 juin, dit-il. Un flou sciemment entretenu dénonce Maître Bourdon, l'un des avocats des trois militants. Les partis ne sont pas au-dessus des lois. Quand ils fixent cette règle et qu'ils ne la respectent pas, eh bien, le juge s'en mêle. Moi, il m'importe peu de savoir quel est le sous-jacent politique. Que le tribunal se prononce sur ce qui nous paraît de façon absolument éclatante, la violation des statuts par la direction du Parti socialiste, des tergiversations, des palinodies qui sont assez éloquentes sur le fait qu'au fond, on n'a pas de volonté d'organiser ces primaires. Il y en va de notre état de droit et de notre démocratie. Sans primaires, de nombreux militants PS craignent une abstention record le 23 avril 2017 et un second tour avec seulement la droite et l'extrême droite. C'est donc vendredi que l'équipe de France de football affronte la Roumanie en ouverture de l'Euro 2016. En attendant, les Bleus se concentrent et s'entraînent dans leur camp de base de Clairefontaine. Des footballeurs tricolores qui n'ont qu'un souhait, que la compétition commence. Sébastien Hazard.